بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 59 dans l'explication de Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Donc je pense que j'avais fait une faute, bon, je m'étais peut-être trompé dans la numérotation des cours, mais là on est correct, inshallah. Maintenant c'est 59. Dars tasi' wa khamsin al-yawm. Donc le cheikh il dit fa kayfa idha lam yakun kadhalik tajidu kathiran min ha'ula 'umdatuhum fi i'tiqadi kawnihi waliyan lillah annahu qad sara 'anhu mukashafa fi ba'd al-umur. Donc le cheikh il continue après qu'il ait dit yani hada يعني في سياق الكلام الذي قرأناه أمس الشيخ قال كل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله أو ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله وأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة ثم يقول هذا الكلام فكيف إذا لم يكن كذلك. يعني الشيخ يعني donc pour traduire par rapport à ce qu'on a lu hier. On disait que, par exemple, si quelqu'un contredit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, en quoi que ce soit, il le suit aveuglément en pensant que, étant donné que c'est un wali, hein, donc il base son affaire sur l'idée que, étant donné que c'est un wali d'Allah, donc le wali d'Allah, il contredit, on ne le contredit pas en quoi que ce soit. Hein, et donc, le cheikh, il dit, même si cet homme était parmi les plus grands parmi les awliya d'Allah, et les plus grands parmi les sahaba et les tabi'in qui les ont suivis de la meilleure façon, eh bien on ne pourrait accepter rien de lui qui contredit le Coran et la Sunna. Alors il dit fa kayfa idha lam yakun kadhalik, il dit que dire s'il n'était pas un wali dans ce cas-là, hein, yani cheikh yaqul fa kayfa idha lam yakun kadhalik yani idha lam yakun waliyan lillah yani kana waliyan lishaytan la yuti' Allah wa la yuti' ar-rasul كبعض الذين يدعون لهم أنهم أولياء لله وهم سحرة أو كهنة أو شياطين كما يأتي أنهم يدعون الولاية لأناس أعداء لله ولرسوله وعداوتهم ظاهرة لله ولرسوله لا يصلون ولا يغتسلون من الجنابة ولا يؤدون الزكاة لأنهم يزعمون أنهم خرجوا عن التكاليف ووصلوا إلى الله فليس عليهم تكاليف يقولون هؤلاء أولياء وهم يشاهدونهم يتركون الفرائض ويفعلون المحرمات ويقولون هؤلاء ما عليهم تكاليف لأنهم وصلوا إلى الله والواقع أنهم ليس عليهم تكاليف لأنهم صاروا مجانين. Donc le cheikh il explique, il dit donc comment que dire dans ce cas-là s'ils ne sont même pas des awliya d'Allah, c'est-à-dire si par exemple ce sont des awliya du shaitan, ils n'obéissent pas à Allah, ils n'obéissent pas aux messagers, comme certains par exemple qui prétendent que ces gens-là sont des awliya d'Allah alors que ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui font de la voyance ou qui prétendent connaître l'invisible ou bien des diables, des shayatines. Donc le cheikh il dit, et comme il y en a qui viennent et puis ils prétendent qu'ils ont une wilaya, qu'ils sont rapprochés d'Allah ou bien qu'ils sont des pieux ou bien qu'ils sont des saints. Et il y en a d'autres qui prétendent la wilaya justement, ou la wilaya pour certains parmi les ennemis d'Allah et de son messager, et leur opposition et animosité par rapport à la religion et par rapport à Allah, elle est apparente. Hein? Ils ne font pas la salat, quand ils ont une impureté majeure, ils ne se lavent pas, ils font pas le ghusl, ils donnent pas la zakat, hein, et ils prétendent qu'ils sont sortis des obligations religieuses. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'obligations religieuses et de responsabilités religieuses. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à Allah. Hein? Ils sont arrivés à Allah, donc ils n'ont plus d'obligations religieuses sur eux. Ils disent, ce sont des awliya. Hein? Puis il dit, les gens les voient en train de délaisser les obligations, ils font pas les actes obligatoires dans l'islam, et ils les voient faire les choses haram, hein, les choses interdites. Puis ils disent, ceux-là, ils n'ont pas d'obligation religieuse, ils n'ont pas à faire ce qui est obligatoire dans la religion, puis ils n'ont pas à s'abstenir de ce qui est interdit dans la religion, parce qu'ils ont atteint Allah, sont arrivés à Allah. Et le cheikh, il dit, la réalité, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'ils sont arrivés à Allah. La réalité, c'est qu'ils ont plus de responsabilités religieuses ou bien d'obligations religieuses parce qu'ils sont devenus fous. Hein? Ils sont devenus fous, ils ont perdu la tête. Et quand quelqu'un il perd la tête, il devient fou, il est plus responsable de ses actions. Hein? Donc le cheikh il dit Tajid, cheikh l'islam, il dit, يقول شيخ الإسلام بعد ذلك تجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صار عنه مكاشفة في بعض الأمور. Donc il dit, tu vois que certains parmi ceux-là, ils se basent sur la croyance pour dire que quelqu'un est un wali d'Allah, que on a vu de lui apparaître certains signes. Par exemple, il prétend qu'ils ont eu une vision, ou bien qu'ils ont vu quelque chose, un signe dans un rêve, ou certaines choses comme ça. Et le cheikh, il explique, il dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَا دَلِيلُكَ عَلَى أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنْهُ أَشْيَاءَ غَرِيبَةً عِنْدَهُ كَرَامَاتٍ وسبق لنا أن هناك فرقا بين الكرامة وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والكهان، والشيطان يجري عليهم خوارق، لكن لا يقال إنها كرامات، يقال إنها خوارق شيطانية كالطيران في الهواء وأكل الجمر والمشي في الماء والمشي في النار والمشي على الماء. هذه خوارق شيطانية لأن الشيطان تحملهم وتطير بهم، وأيضا هم كذبة لا يأكلون الجمر ولا يمشون في النار، وإنما يسحرون أعين الناس فيظهرون للناس أنهم يأكلون النار وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين، وهذا كذب. إنما يسحرون أعين الناس كالذين في عهد فرعون، قال الله عز وجل قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر التخيلي، ويقول الجهال هذه كرامات، هذه ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية. Donc le cheikh, il dit que, par exemple, si on pose la question à l'un d'entre eux, c'est quoi ta preuve que cette personne c'est un wali d'Allah? Eh bien, il dit, ouais, mais lui, il y a des choses qu'il fait, c'est surnaturel. Il fait des choses surnaturelles, des choses étranges, des choses anormales. Et il a des prodiges qu'il fait, des miracles. Et le cheikh, il explique, il dit, et on a déjà expliqué plus tôt, qu'il y a une différence entre les prodiges des hommes pieux et les actes surnaturels qui sont d'origine diabolique, hein, que les diables et les shayatines leur permettent de faire. Et donc, ça vient par exemple de la part des sorciers ou des voyants ou des gens qui sont dans ces catégories-là et qui interagissent avec les shayatines. Donc, le shaytan, il leur fait faire des actes surnaturels, et les gens, eux, ils disent, ça c'est des karamates. Ou bien eux, ils disent, c'est des karamates. Et donc, le cheikh, il dit, il faut pas dire que ce sont des karamates, on dit plutôt que ce sont des khawariqa shaytaniya. C'est-à-dire des actes surnaturels qui sont diaboliques à la base. Comme le fait, par exemple, que certains d'entre eux puissent voler dans les airs. ou bien peuvent manger du charbon brûlant, hein, ou bien les diables les portent dans les airs pour les faire voler, hein, ou bien les font marcher dans le feu. Ils marchent dans le feu, ou bien ils marchent sur l'eau, hein. Donc ça, c'est des khawariq, comme on dit, des actes surnaturels qui sont à la base faites par le shaitan. C'est le shaitan qui les fait faire ça. Les shayatines portent la personne dans les airs, hein, et donc les gens pensent qu'ils volent. Donc c'est pas eux qui volent, c'est les shayatines qui les font voler. Yani, le shaykh dit ça, c'est des menteurs, ces gens-là. Et ils ne mangent pas réellement les braises de feu. Ils ne mangent pas non plus, ils ne marchent pas non plus dans le feu pour de vrai. Une fois, j'ai entendu, yani, une histoire à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand il a fait un débat avec des soufis. Yani, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, كان عنده نقاش مع طريقة صوفية أمام السلطان. نعم في زمان شيخ الإسلام. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, les soufis, eux, ils ont expliqué, ils ont dit, nous, on est capable de marcher dans le feu. Alors Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit, ok, d'accord, si vous dites que vous êtes capable de marcher dans le feu, ordonnez-leur avant de se laver avec du vinaigre. Puis après, vous les faites marcher dans le feu. Et la raison de ça, c'est parce que ils induisaient leur corps d'une substance qui faisait en sorte que le feu les brûlait pas. Hein? Donc, Ibn Taymiyyah connaissait ce truc-là. Donc, il leur ordonnait de se laver avec du vinaigre pour ça. يعني لما كانوا أمام السلطان فقالوا قال الصوفية نحن نستطيع أن نمشي في النار. فقال شيخ الإسلام طيب إذا أنتم ستمشون في النار ف يعني قبل أن تمشون في النار يعني أنا أريد منكم أن تغسلوا أجسادكم بالخل يعني لأنهم كانوا يضعون على أجسامهم مادة يمنع النار من الوصول إليهم. فلهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذكيا وكان يعرف هذه الأساليب فكان يعني أمرهم بهذا فرفضوا بعد ذلك يعني ils ont refusé de marcher dans le feu et de يعني après s'être lavé avec le vinaigre parce que ils ont compris que يعني ابن تيمية était au courant de leur ruse. Donc c'est des exemples que شيخ الإسلام ابن تيمية a mentionné, et il dit ici dans la suite du texte, il dit, eux, ils ont ensorcelé les yeux des gens en réalité. Donc, c'est pas qu'ils marchent dans le feu, c'est pas qu'ils mangent des braises de feu ou des choses comme ça, hein. C'est juste une sorcellerie qu'ils font. Et la même chose aussi quand ils se coupent avec des couteaux, hein, ou bien ils se transpercent avec des objets comme ça. Cheikh, il dit, tout ça, c'est du mensonge. Et ils font juste ensorceler les yeux des gens pour les tromper, comme c'est arrivé à l'époque de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 116 dans Surat al-A'raf qu'il leur a dit, donc jetez vos cordes ou vos bâtons, qu'est-ce qu'ils avaient dans les mains, parce que Moussa alayhi salam, il leur a dit lancez en premier, et eux ils ont lancé leur sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc quand ils ont lancé, ils ont ensorcelé les yeux des gens, ils leur ont fait peur. Et ils sont venus avec une grande sorcellerie. Tu vois? Puis c'est pour dire que c'est qu'est-ce qu'on appelle, ou une catégorie de sihr qu'on appelle sihr at-takhayyuli. Ça s'appelle, hein, qu'est-ce qu'on appelle en français, yani les illusionnistes, hein. Il y a une catégorie de sorcellerie, c'est comme ça. C'est fait avec des illusions. Hein, ils jouent avec les yeux des gens. Donc, les ignorants voient ça, ils disent, ah, ça c'est des karamates. Et le cheikh dit, non, c'est pas des karamates, c'est pas des prodiges, c'est des actes diaboliques. Hein, et c'est des actes diaboliques que les diables permettent à ces gens-là de faire, hein, et des tours comme ça. Le cheikh dit, wa mukashafa. Hein, يعني قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور. الشيخ الفوزان يقول المكاشفة هي أن يرى شيئا لا يراه الناس لأنه يتعامل مع الشياطين والشياطين تخبره بأشياء لا يعلمها الناس أو يرى شيئا لا يراها الناس بسبب عمل الشيطان معه لأنه سبق لنا أن ولي الله هو الذي ذكره الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا ولي الله المؤمن التقي أما الفاجر والفاسق والكافر فهذا ليس وليا لله فننظر في عمله وإذا قالوا هذا ولي ننظر في عمله وما ننظر إلى الخوارق التي معه ننظر إلى عمله هل هو مستقيم على شرع الله وعلى طاعة الله ويتقي الله هذا ولي وما يجري على يده كرامة من الله سبحانه وتعالى أما إن كان كافرا وفاجرا وفاسقا وتاركا لفرائض الله ومرتكبا للزنا واللواط والفجور فنقول هذا ليس وليا لله وإن كان معه خوارق نقول هذه خوارق شيطانية ليست كرامات من الله عز وجل الشيطان تتعامل معهم تطير بهم في الهواء وتقطع بهم المسافات البعيدة تحملهم على الماء ويغوصون في ولا يغوصون في الماء وتحملهم على النار ولا يقعون في النار إذا مشوا لكن يتظاهر للناس في بهذه الأمور هذه أمور لا يغتر بها لا يغتر بها تؤخذ على على علاتها وعلى ظاهرها حتى يكون مستقيما على طاعة الله وإذا كان مستقيما على طاعة الله فما جرى عليه من الخوارق كرامات من الله عز وجل مثل ما حصل لأصحاب الكهف مثل ما حصل لمريم مثل ما حصل للخضر على القول بأنه ولي وليس نبيا والخوارق التي حصلت للخضر صاحب موسى عليه السلام هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى donc le cheikh il dit également les mukashafat et le cheikh il explique en disant que c'est le fait de voir des choses que les autres personnes ne voient pas parce qu'il travaille avec les diables il travaille avec les shayatins et les shayatins leur donnent des informations de ce que les gens ne savent pas ou bien ils leur disent des choses que les gens ne voient pas parce que ils sont en train d'interagir avec les diables, les shayatins. Parce qu'on a expliqué déjà que le wali, la définition du wali, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset dans sourate Yunus, versets 62 et 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc le wali c'est celui qui croit en Allah et qui est pieux, qui a attaqwa. Et donc le fajir, le pervers, le pécheur, le kafir, ne peut pas être un wali d'Allah. Et donc le shaykh il dit, il faut regarder les actions de la personne. Donc si quelqu'un dit, celui-ci est un wali, eh bien nous on regarde ses œuvres, on regarde ses actions. On regarde pas les actes surnaturels qu'il fait. Parce que ça veut rien dire. La personne peut faire des actes surnaturels ou des choses surnaturelles, c'est les diables qui lui font faire ça. Donc, on regarde premièrement ses œuvres. Est-ce que la personne est droite dans son application de la religion d'Allah et de la révélation d'Allah? Est-ce qu'il est sur l'obéissance d'Allah? Est-ce qu'il a la taqwa? Est-ce qu'il se préserve d'Allah? Donc, si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va dire que oui, c'est un wali d'Allah. Et qu'est-ce qu'il fait? On considérera que ce qu'il fait de surnaturel, que c'est un prodige que Allah lui permet de faire. Tandis que si la personne est un kafir, ou un mushrik, ou bien un fajir, ou un fasiq, quelqu'un qui est sorti de l'obéissance d'Allah, qui délaisse les obligations religieuses, qui fait le zina, qui fait la sodomie, qui fait les perversités, on va dire cette personne c'est pas un wali d'Allah même si il fait des actes qui sont surnaturels ou surprenante. Et le cheikh, il dit, et on dit que ces actes surnaturels, c'est des actes diaboliques. Hein, ce ne sont pas des karamates, et que les diables interagissent avec cette personne, hein, et les font voler dans les airs, hein, ou bien leur font traverser des longues distances, rapidement, ou bien les portent sur l'eau par exemple, et puis ils vont pas couler, hein, ils marchent sur l'eau sans problème, ou bien ils vont disons être portés sur le feu et ils vont pas être brûlés. Toutes sortes de choses comme ça qu'ils montrent aux gens. Et puis il faut pas, le cheikh dit, il faut pas être trompé par ça, hein, et il faut pas prendre ça dans qu'est-ce qui est apparent. Plutôt, il faut regarder est-ce que la personne elle est droite sur l'obéissance d'Allah. Si elle est droite et sur l'obéissance d'Allah, alors dans ce cas-là, on va dire ce qu'ils font c'est des karamates, que ça vient d'Allah. Comme qu'est-ce qui est arrivé par exemple aux compagnons de la caverne, Ashab al-Kahf, dans Surat al-Kahf, dans le Coran, Allah il mentionne leur histoire. Également, qu'est-ce qui est arrivé à Maryam? Maryam, la mère de Isa ibn Maryam. Hein, qu'est-ce qui est arrivé avec elle lorsque l'ange est venu, elle lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils, et lorsque elle rentrait dans le mihrab, elle trouvait toujours de la nourriture, elle trouvait toujours quelque chose à manger, et lorsque par exemple elle allait accoucher, et bien elle a frappé l'arbre et puis les fruits sont tombés, elle a frappé la terre et puis il y a une source d'eau qui est apparue pour elle pour qu'elle se rafraîchisse. Donc, tout ça, c'est des karamates. Hein, c'est des karamates. La même chose aussi, qu'est-ce qui est arrivé à Khidr, avec Khidr, selon la position des ulama qui disent qu'il n'était pas un prophète, mais plutôt un wali, hein, un serviteur pieux. Et que les choses surnaturelles qu'il a faites, hein, avec Moussa, que ça, c'était des karamates, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أو بعض التصرفات يعني قد صدر عن لأن يعني أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت. Il dit, ou bien certains ils utilisent comme argument que quelqu'un est un wali du fait que la personne elle fait des choses qui sont hors de l'ordinaire, comme par exemple elle va pointer une personne avec son doigt puis elle meurt. Yani musaddis yani fi yadi. Donc il va juste pointer quelqu'un, la personne elle meurt comme ça. Hada wali, Allah al-musta'an. Donc le cheikh al-Fawzan يقول يستعين بالشيطان والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه فيموت وأنتم لا ترون الشيطان وأعماله يقولون هذا ولي قتل هذا الشخص. Donc le cheikh il dit il utilise le shaitan, et le shaitan il va étrangler cette personne que la personne a indiqué avec son doigt, et la personne meurt. Et nous, on voit pas les diables, et on voit pas ce qu'ils font. Alors, les gens le voient, ils disent, ah, ça, c'est un wali, il a tué cette personne. Hein? Allah al-musta'an. Ou, yatiru fil hawa ila Mecca ou ghayriha. Ou bien, il peut voler dans les airs jusqu'à Mecca ou bien à un autre endroit. Cheikh al-Fawzan, yaqul, والذين يطيرون والذين يطيرون الشياطين يطيرون بهم لأن الشياطين تطير في الجو وتحملهم أعلى إذا عبدها وأطاعها وعصى الله وكفر بالله فإنهم يخدمونه. الله ذكر هذا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فيسلط الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم وإضلال غيرهم وإضلال غيرهم بهم أيضا. Donc le cheikh il explique donc ils les font voler dans les airs, c'est les diables qui les font voler dans les airs et ils les portent parce que les diables peuvent voler, hein. Il y a différentes catégories de shayatin et parmi les djinns qui sont les shayatin, il y en a qui peuvent voler et qui portent les personnes, justement ils peuvent les porter dans les airs. Et ça c'est quand? C'est lorsque les personnes ont adoré les shayatin et qu'ils les ont obéi et qu'ils ont désobéi à Allah et qu'ils ont renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors à ce moment-là les djinns acceptent de les servir. Ok? Parce que c'est pour ça qu'on dit que les sahara, les shayatin, sont des kuffars, des mushrikines. Pourquoi? Parce que si tu vois quelqu'un que le shaytan est en train de le servir, c'est parce que obligatoirement il a fait un sacrilège. Il a fait quelque chose qui représente un sacrilège ou un blasphème pour que le shaitan accepte de le servir. Hein? Sinon, le diable, il ne va pas l'accepter. Il ne va pas accepter de le servir et de travailler avec lui ou de travailler pour lui. Non. C'est les deux. Yani, pourquoi? Parce qu'en réalité, à la base, les diables, ils ont peur des êtres humains. Les shayatins, les djinns, ils ont peur des êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-djinn, وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Hein? C'est-à-dire qu'il y avait des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient refuge en les mâles parmi les djinns, et donc ça les augmentait en... Attends, le terme, c'est ça que je cherche. Fazaduhum rahaqa. Cherchait protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Donc, les shayatins, quand ils font, les êtres humains essaient de rentrer en contact avec eux, le shaytan, lui, qu'est-ce qu'il veut de l'être humain? Il veut que l'être humain tombe dans le shirk. Il veut qu'il tombe dans le kufr. Donc, s'il arrive à le faire tomber dans le shirk et dans le kufr, et il voit que l'être humain essaie de rentrer en contact avec lui et de l'utiliser, alors il va lui dire, d'accord, tu fais telle chose, je vais te servir. Je vais faire ce que tu veux. D'accord? Mais c'est dans la réalité, le djinn il va servir l'autre, mais l'autre il va le servir aussi, parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Donc ça devient un genre de relation de ce genre. Hein? Et ça c'est connu, yani, même par exemple chez les mushrikines qui font du sihr, et ben souvent qu'est-ce qui se passe, c'est que ils ont cette relation d'intérêt les uns avec les autres. Le shaitan, l'être humain, il veut quelque chose du shaitan. Le shaitan, il veut quelque chose des êtres humains. Et donc, c'est comme ça, ils agissent les uns avec les autres par intérêt, hein, et par échange comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ça. Le shaykh, il dit, donc, ils vont servir ces gens-là. Mais uniquement après avoir fait un acte de kufr, de shirk, ou un gros blasphème pour justement, venir à leur service, et en ayant fait ça, donc ils ont vendu leur âme au shaitan. Hein? Oui, c'est ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, yani dans le verset, il dit, yani, وَلَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ. Donc les anges, quand ils leur enseignaient le sihr aux gens là, ils leur disaient, on est uniquement un test pour vous. Alors, ne faites pas le kufr. Donc, c'est-à-dire que وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Donc, ils ont su déjà à l'avance que quiconque, disons, apprenait le sihr et faisait, yani, rentrait dans, ce, dans cette affaire-là, qu'il n'a aucune part dans l'au-delà, déjà en partant. Donc ça veut dire que la personne qui a accepté de faire le sihr ou qui a accepté de rentrer dans le service du shaitan ou de prendre l'aide du shaitan pour le sihr, automatiquement ça veut dire qu'il sait déjà qu'il va en enfer. Il a, c'est comme si, hein, c'est pour ça que ces gens-là c'est les plus dangereux, yani. Non, il n'y a pas de doute. Tout, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi alladhina amanu ittaqu Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter la repentance de tous les péchés, n'importe quel péché. Le problème c'est que la personne, des fois, si elle s'est repentie avant qu'on l'ait attrapée en tant que sahir, donc Allah il va accepter sa repentance, puis il n'aura pas de peine parce que personne n'a su que c'était un sorcier, personne l'a attrapé avant qu'il soit puni. Mais si c'est le cas où par exemple la personne elle s'est faite attraper puis que par la suite elle s'est repentie, sa repentance sera acceptée d'Allah, mais la peine va quand même être appliquée sur elle, hein? Allahu a'lam. C'est ça. C'est, ça dépend en fait si la personne elle s'est fait attraper avant sa repentance ou après sa repentance. Donc c'est ça la différence. Wallahu a'lam. Et le cheikh il dit ensuite, il cite les versets, c'est 128 et 129 dans Sourate Al-An'am. Et je vais lire la traduction de ces versets-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Tu vois? T'as compris? Il dit, donc, quand il dit le jour où il les rassemblera tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des êtres humains. Et leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira: l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Hein? Et le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le pouvoir au diable sur ces gens-là pour les égarer, hein? Et pour égarer d'autres avec eux, hein? Aussi. Et il dit également: aw yamshi, cheikh al-islam ibn taymiyyah yaqul, aw yamshi 'ala al-ma'i ahyanan. Hein? يقول شيخ الفوزان: وهو ما يمشي على الماء حقيقة وإنما هذا الشياطين تمشي به أو يخيل للناس أنه يمشي وهو ليس كذلك، هو جالس في مكان على الأرض أو واقف ويرى الناس أنه يمشي على الماء يخيل في أعينهم. donc le cheikh il dit, il ne marche pas vraiment sur l'eau pour de vrai. Les gens voient ça, mais c'est en réalité les shayatines qui les font marcher. Et c'est l'impression et l'illusion que les gens voient qu'ils marchent sur l'eau. Alors que ce n'est pas le cas. Puisque lui, il est soit assis quelque part ou bien debout. Et les shayatines le tiennent et ils voient qu'il est sur l'eau en train de marcher. Alors qu'en réalité, c'est leurs yeux qui sont ensorcelés. Après, le cheikh Ibn Taymiyyah, il donne d'autres exemples. Il dit: aw yamla'u ibriqan min al-hawa. Aw yantiqu ba'd al-awqat min al-ghayb. Aw yantiqu ba'd al-awqat min al-ghayb. Donc, cheikh Al-Fawzan, il dit: ya'ti bi ibriqin farighin wa yada'uhu fi al-hawa wa yumtala أو يمتلي ماء الشياطين تملأه ماء الشياطين تحضر الماء وتصبه فيه وأنتم ما ترون. donc en réalité il dit, il ramène une une bouilloire, hein, comme une théière, hein, et puis il la remplit avec dans l'air. Il n'a pas d'eau dans ses mains, mais il fait comme s'il la remplit, alors que il y a de l'eau qui coule, mais c'est de l'eau qui coule dans l'air. Comme s'il n'y a pas de contenant pour verser de l'eau, c'est juste ça, c'est l'eau qui c'est le, en fait, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est une théière qui est vide, et il la met comme ça dans les airs, et puis elle se remplit d'eau toute seule. Il dit, c'est les shayatines qui ramènent de l'eau et qui le mettent dans la théière, et il dit, vous ne voyez pas ça. Ou bien, il dit, أو ينطق بعض الأوقات من الغيب. Cheikh Al-Fawzan, il dit, ينطق بعض الأوقات من الغيب, يعني يخبر عن أشياء من الغيب في بعض الأوقات. يأتي فلان ويذهب فلان. وفلان مات ويخبرهم عن أشياء غائبة عنهم. لأن الشياطين تخبره بذلك. Donc, il dit, des fois aussi, ils informent, ils parlent à propos des choses du ghaib dans certains moments. Comme par exemple, ils vont informer les gens à propos de quelques affaires qui se produisent, alors qu'ils n'ont aucune connaissance, ils n'avaient aucune connaissance de ça. Ils vont dire, un tel il vient, ou bien l'autre il s'en va, ou bien un tel est mort, hein. Ils donnent des informations sur des choses qui sont inconnues ou invisibles, parce que c'est les diables qui leur donnent ces informations-là. C'est ça. Exactement. Ils vont dire, toi, ta mère, elle s'appelle comme ça, puis ton père, ismu abik kada, ismu ummika kada, ou plus, même plus de détails, hein? Subhanallah. Non. Donc, ça, c'est les shayatines, le djinn qui donne l'information pour tromper les gens. Ah. Subhanallah, il y a des choses qui nous dépassent, comme tu dis là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset dans sourate Al-Baqarah, il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc ça veut dire, ils ne peuvent pas faire de tort avec ça à quiconque, excepté par la permission d'Allah. Donc ça veut dire que le mu'min, il met sa confiance en Allah. Il tawakkal ala Allah. Wa yani la yakhaf. La yakhaf min as-sahara wa min ash-shayatin. Na'am, hada huwa. Yani wa la fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Parce qu'il y a des gens qui ont peur du sihr et des sahara, et ils ont peur de tout. Alors que le mu'min, il doit pas avoir peur de ça, tu vois. Après, le cheikh, il dit, ou yakhtafi ahyanan an a'yunin nas. Ou bien, des fois, il se cache des yeux des gens. Wa huwa, yani, cheikh Al-Fawzan, il dit, huwa yakunu ma'ahum, thumma yakhtafi, wa la ya'lamu ayna dhahab. Al-shayatin hamalathu, ou ghattathu an a'yunin nas. Yakuluna hadha wali. Ils disent, par exemple, quelqu'un, il va être avec les gens, puis d'un coup, il disparaît. Ils disent, ils savent pas où il est parti. Ils disent, soit c'est les shayatines qui l'ont porté, ou bien qu'ils l'ont couvert des yeux des gens. Alors, les gens disent, ah, ça, c'est un wali. Hein? Il peut disparaître. Subhanallah. Ou anna ba'd an-nas istaghatha bihi wa huwa gha'ibun aw mayyitun fa ra'ahu qad ja'ahu فَقَضَ حَاجَتَهُ. Yani, subhanallah. Il dit, ou bien parfois, des gens les appellent au secours, alors que c'est des gens qui sont absents, ou bien des gens qui sont morts, et donc les gens les voient venir remplir leurs besoins et repartir. C'est-à-dire, la personne est morte, elle apparaît, puis elle vient, quand elle l'a appelé au secours, elle est venue, elle est apparue, puis elle est partie. Donc les gens disent, ah, ça c'est un wali. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, هذا كما سبق أن من يستغيث بالأموات أو بالغائبين يتخيل الشيطان لهم في صورة الميت أو في صورة الغائب فإذا نادوا الميت أو الغائب تشكل الشيطان في صورته وأحضر لهم الذي يريدون ويقولون هذا هو الميت أو الغائب وهو الشيطان الشيطان يتصور لهم. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan dit que en réalité, comme on l'a expliqué déjà, c'est que la personne qui appelle au secours les morts et les gens qui sont absents, hein, le diable vient en prenant l'image de cette personne qui est morte ou bien de l'image de la personne qui est absente, hein, et puis lorsque la personne appelle le mort ou la personne absente, elle se transforme en l'image de la personne qu'elle a appelée, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et elle lui apporte ce que la personne voulait, et donc les gens disent, hein, c'est lui, c'est le mort qui est venu, ou c'est yani la personne absente qui est venue, alors que c'est un shaytan. Ah, jazakallah khairan, barakallah fik. Donc la personne, elle est absente, elle est morte. Et les gens disent, ah, c'est lui. Mais non, c'est pas lui, c'est le shaitan qui est venu. Il a pris l'apparence et l'image de ce mort ou de cette personne. Le cheikh, il donne un autre exemple, il dit, ou yukhbiru an-nas bima suriqa lahum. Ou bien il va informer les gens de ce qui leur a été volé. Il dit, cheikh Al-Fawzan, wa hadhi musiba, yadhhabuna lil-kahana. إذا ضاع لهم شيء يسألونهم ويخبرونهم عن الذي عنده أموالهم من الذي سرقهم ويقولون هذا ولي من أولياء الله وهذا ولي من أولياء الشيطان وهو ولي من أولياء الشيطان لأن الشيطان هو الذي يخبره عن الأشياء الغائبة والمسروقات أو يحضر الشيء البعيد ويأتي به بسرعة. Donc le cheikh il dit ça, c'est un malheur, hein, quand les gens vont voir des voyants, hein, des médiums, hein, des diseurs de bonne aventure, quand ils ont perdu quelque chose, ils leur demandent, hein, j'ai perdu telle chose, hein, ou bien on m'a volé telle chose, et donc la personne elle leur dit, hein, où est-ce qu'elle est leur argent, ou bien qui est-ce qui l'a volé, et donc eux ils disent, ah, ça c'est un wali d'Allah. Hein, ça c'est un wali d'Allah parce qu'il sait des choses cachées. Et le cheikh il dit non, c'est pas un wali d'Allah, c'est un wali du shaitan, parce que c'est le shaitan qui lui donne l'information des choses cachées, des choses volées, ou bien qu'il les ramène de loin et qu'il les ramène rapidement, parce que le shaitan il est capable de faire ça. Et on voit l'exemple aussi de comment par exemple à l'époque de Suleyman alayhi salam, quand il a ramené le trône de Bilqis, hein, il l'a ramené d'une rapidité, hein, l'Ifrit. Donc il a pris son trône du Yémen, il l'a ramené jusqu'à yani, Baytul Maqdis, yani, rapidement. Donc ça c'est pour dire que les shayatines, ils ont la rapidité et la force, pas comme le reste des êtres humains. Il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit aussi, ou bihali ra'ibin lahum, ou maridin, ou nahwi dhalika min al-umur. Ou bien il leur donne des informations à propos de l'état d'une personne qui est absente, ou qui est malade, hein, ou bien des choses semblables. Et ça, on l'a vu aussi parmi les gens qui parlent, par exemple, ils disent qu'ils parlent aux esprits, puis qui prétend qu'ils peuvent parler à l'âme d'un des ancêtres éloignés, hein, Allah al-musta'an. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, ma hajatu ila an tatakallama bil jawwal aw bil telephone yani yukhbiruhum ayna ghaibuhum. Ash-shaytan yaqul lahum fulan kadha wa huwa al-an marid wa huwa al-an sahih wa huwa al-an yamshi wa yukhbiruhum. Donc le cheikh il dit, il dit, il n'y a pas de besoin de parler au téléphone ou leur demander où est-ce qu'ils sont, les personnes qui sont absentes ou des choses comme ça. C'est le shaitan qui leur dise, un tel, il est comme ça, un tel, maintenant il est malade, un tel, hein, il est en bonne santé. Donc au lieu de parler au téléphone, d'appeler au téléphone, demander comment la personne va, hein, ils vont voir ces gens-là pour leur demander. Et dans des cas aussi, comme je disais, il y en a, par exemple, ils demandent, ils pensent que, parce qu'il y a des gens comme ça, on sait que nous, quand quelqu'un, elle meurt, l'ange, elle vient, elle prend son âme, hein, et la personne, elle reste dans le barzakh, jusqu'au jugement dernier. L'âme, elle ne peut pas sortir du barzakh. الروح لا يخرج من البرزخ بعد الموت يعني إلى قيام الساعة ولكن بعض الناس يعتقدون أن الأرواح يعني تتجول هكذا بعد الموت ويمكن أن واحد مثلا كاهن يأتي ويحضر الروح فلان وفلان من الأموات يعني قريب له مثلا يقول أنا عندي قريب مات أريد أن أعرف عن حاله وأخباره فيأتي هذا الكاهن ويدعي أنه يتكلم ويخاطب الميت فلان قريب له يقول نعم الآن أشعر بوجوده هو موجود الآن فيتخيل كأن الروح روح هذا الشخص الميت يدخل في جسمه ويتكلم بجسمه ف يقول نعم أنا صحيح أنا بخير وربما يخبر هذا القريب عن بعض المعلومات التي يعرفه بها يعني مثلا تتذكر لما كنا في مكان الفلاني وفعلنا كذا وكذا يقول لا أحد يعرف هذا الخبر إلا هذا الشخص فهذا دليل أنه هو ولكن في الحقيقة يعني كل هذا هو من تلاعب الشيطان يعني comme les gens qui disent par exemple ils appellent les esprits donc ils prétendent que les esprits rentrent en eux puis là ils parlent ils font croire aux gens que ils sont en train de parler avec un de leurs proches et ils leur donnent ils leur disent oui c'est moi c'est ton frère ou c'est ton père ou c'est ton grand-père, je suis bien, je suis comme ci, comme ça. Et puis peut-être ils vont leur donner des informations sur des choses que seuls eux savaient. Comme ça ils vont dire, ah oui c'est vrai, c'est vraiment eux. Alors qu'en réalité nous on sait qu'une fois qu'on est mort, on ne peut pas revenir. Hein? يعني شخص إذا مات لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا أبدا. Hein? Non, il ne peut pas. Tu ne peux pas. Et même que... Non, il n'y a pas de contact, parce que il y a un barzakh. Barzakh, ça veut dire une barrière, une séparation. Tu ne peux pas revenir. Et il ne peut pas y avoir des communications entre le monde des morts et le monde des vivants. Hein? Donc, c'est pour ça que ces choses-là, c'est des choses basées sur le faux. Ou, أحيانا, il y a بعض الناس يعتقدون أن إذا مثلا شخص سرع بجن أو شيطان يدخل في جسمه هم يعتقدون أن هذا روح ميت روح إنسان قد مات أو أنه ممكن أنه شيطان أو كذا فيأتون بالقسيس مثلا والقسيس يبدأ يرقيه بالصليب والماء المقدس كما يدعون ويأمرونه بخروج هذا الشيطان أو هذا الروح من البدن باسم عيسى أو باسم كذا وكل هذا الشرك فالشيطان عندما يرى هذا الإنسان يعمل الشرك ويأمره بالخروج بالشرك وباسم الشرك فهو يفرح فيخرج لأنه رأى أنه يتعمق أكثر في الكفر والشرك فيعني c'est comme ça que des gens parfois ils vont être possédés ils pensent qu'ils sont possédés par un âme de quelqu'un qui est mort ou bien par un diable ou un démon alors ils vont ramener le prêtre. Le prêtre, il va faire un exorcisme avec des croix, avec de l'eau bénite, comme il l'appelle. Et puis, ils vont dire, sors de ce corps au nom de Jésus, puis des trucs comme ça. Et puis, en réalité, le shaitan, il sort pas parce que, par exemple, il a peur de qu'est-ce que le prêtre dit. Plutôt, il est satisfait que le prêtre a fait du shirk. Alors il veut l'encourager plus dans le shirk, alors il lui fait croire que qu'est-ce qu'il fait, ça fonctionne. Alors il l'égare encore plus comme ça. Allah al-musta'an. Oui, mais c'est quand quelqu'un est possédé, c'est le djinn, c'est le shaitan qui rentre parfois dans le corps de certaines personnes, mais c'est pas un âme de quelqu'un qui est mort. Oui, c'est ça. Et oui, la ruqya c'est par la récitation des versets du Coran et les du'as prophétiques, hein, les du'as du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne va faire le ruqya sur elle pour la faire sortir le shaitan de la personne. donc ça c'est à propos de ça. Non. Je pense pas que c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait une femme esclave noire, et puis elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit, ô messager d'Allah, j'ai des crises d'épilepsie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux, je vais invoquer Allah pour qu'il te guérisse. Ou bien sinon, tu vas être patiente et il va te donner le paradis. Elle a dit, alors dans ce cas-là, je vais être patiente. Mais elle a dit, mais par contre, quand j'ai les crises d'épilepsie, je me découvre. Alors invoque Allah pour que je ne me découvre pas. Et il a invoqué Allah pour qu'elle ne se découvre pas. La'allaka yani sami'ta hadha al-hadith wa qissa lil al-mar'a as-sawda allati kanat تنظف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادع الله لأنني أسرع أو ربما لا أنطق الكلمة بطريقة صحيحة ولكن يعني عندها صرع يعني فقالت ادع الله ان لا يعني ياتيني هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اما ان شئت انا سادعو الله لك وسيشفيك او ان شئت تصبرين ولك الجنه فقالت اذا اصبر ولكن اتكشف عندما ياتيني هذا الصرع أتكشف أدعو الله أن لا أتكشف فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تنكشف أو أن لا تتنكشف فيعني كان الناس يقولون هذه امرأة من أهل الجنة يعني بعد هذا نعم طبعا لا طبعا صحيح ولكن في هذا البلاء وفي هذا البلاء فيه كفارة للذنوب والذي يصبر على هذا يعني يكون له فيه أجر ولكن يعني كثير من الناس لا يصبرون إلا من رحم الله فهذا هو أحيانا بعض الناس يصابون بهذه الأمراض النفسية وهذه المشاكل ويعني نقول لهم يعني اصبروا هذا يعني امتحان من الله سبحانه وتعالى وفيه كفارة للذنوب وفيه رفع الدرجات وفيه كثير إذا كان الإنسان يصبر على هذا فالحمد لله يعني. Donc c'est ça, des fois quelqu'un il doit être patient quand il est affecté par ce genre de malaise et de problème. Et le frère, quand il donnait l'exemple de cette femme qui a dit je préfère attendre, je vais être patiente. Aujourd'hui, si c'était aujourd'hui, peut-être quelqu'un il aurait dit non, je veux pas être patient, je veux que tu invoques Allah pour que je sois guéri complètement. Je veux pas être patient. Allah al-musta'an. Donc ça montre exactement le niveau de la foi de la personne aussi, ça a un rôle dans ça aussi. Le cheikh il dit وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله. Donc cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit il n'y a rien dans ces choses là qui indiquerait que la personne qui peut faire ce genre de choses serait un wali d'Allah, hein, ou un saint, ou un serviteur rapproché d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit, « Laysa fi hadhihi al-umur ma yadullu ala anna sahibaha waliyun hatta yakun mustaqiman ala ta'atillah. » C'est-à-dire, il n'y a rien parmi ces choses-là qui indiquerait que la personne est un wali, jusqu'à ce qu'on voit d'elle qu'elle est droite dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Et il dit ensuite, « Bal qad ittafaqa » أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. سبحان الله. Donc le cheikh il dit même que tous les awliya d'Allah sont d'accord sur le fait que si un homme vole dans les airs ou qu'il marche sur l'eau, on ne doit pas être trompé par quoi que ce soit de ça jusqu'à ce qu'on ait regardé son suivi, comment il a suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce qu'il a été en accord avec son commandement et son interdiction. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet là هذه فائدة عظيمة وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذا هو الفرقان. هنا الفارق هو اتباع الكتاب والسنة فإذا كان مؤمنا متبعا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده وإن كان مخالفا للكتاب والسنة فما معه من الخوارق خوارق شيطانية وموافقته لأمره ونهيه هذه هي العلامة ليست العلامة أن يكون معهم خوارق العلامة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit ça c'est une grande règle, hein, un grand principe, c'est-à-dire que le discernement et la distinction entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan, c'est cette règle-là, hein. Le discernement c'est quoi? Qu'est-ce qui distingue entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan? C'est le suivi de la personne. Est-ce qu'elle suit le Coran et la Sunna ou non? Si la personne elle suit réellement le Coran et la Sunna et qu'elle est croyante, hein, alors ce qu'elle fait comme chose surnaturelle, c'est des karamat que Allah lui fait faire. Toutefois, si la personne elle contredit le Coran et la Sunna, alors ce qu'elle a comme chose surnaturelle qu'elle fait, ça vient du shaitan. Donc tu regardes si la personne est en accord avec le messager sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre et dans son interdiction, et c'est ça le signe qui nous permet de distinguer est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est correct, ça vient d'Allah ou bien ça vient du shaitan. Il dit le signe c'est pas de voir si elle fait des choses surnaturelles. Non, le signe c'est de voir si elle suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est très important. C'est parce que en fait juste pour voir si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que en fait même quand on regarde dans le Coran, il y a beaucoup de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parfois il dit que les mushrikoun et les kuffar, ils viennent au messager et lui disent montre-nous un miracle, hein, donne-nous un miracle. Et eux, ils répondent, ils disent les miracles, ça vient d'Allah. Hein, et c'est pas moi qui décide quand je fais un miracle ou non. Hein, c'est Allah qui lui donne la possibilité de le faire. Et donc, il y a des prophètes qui ont fait beaucoup de miracles, il y en a qui en ont fait moins, il y en a qui ont fait des grands miracles, il y en a qui ont fait des petits. Mais c'est pas ça qui détermine si quelqu'un est un wali ou non. C'est plutôt, hein, tu vois, la voix de la personne, l'accompagnement. Parce que la différence entre les miracles et les prodiges, c'est que les miracles, ça vient des prophètes. Tandis que les prodiges, c'est ceux qui ont suivi le prophète. Et c'est comme une forme de grâce que Allah donne à quelqu'un par rapport à son suivi de ce prophète-là. Donc c'est comme ça que ces gens-là, ils déforment la réalité, puisqu'ils pensent que si tu as atteint un degré auprès d'Allah, à partir de ce moment-là, les obligations t'as plus d'obligations religieuses et tu n'es pas obligé de t'abstenir des interdictions. Comme le cheikh il l'a répété à plusieurs occasions, celui qui pense ça, il est dans l'erreur, parce que les messagers, toute leur vie, ils ont adoré Allah et ils étaient les plus grands adorateurs d'Allah. Et donc, si c'était vrai ce qu'ils disent, alors dans ce cas-là, les prophètes n'auraient rien fait, puisqu'ils ont atteint Allah, ils ont été les meilleurs serviteurs d'Allah. Donc c'est le contraire de ce que c'est. Exactement. Donc en réalité, c'est le diable qui leur a embelli cette idée-là, pour les égarer. Comme Aïcha radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle l'a vu prier dans la nuit, jusqu'à ce que ses pieds craquent, ses pieds saignaient par rapport à ses prières la nuit, qu'il restait longtemps debout en prière. Et quand elle lui a posé la question, ô messager d'Allah, pourquoi tu fais ça alors que Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et elle a répondu, il a répondu en disant, ne dois-je pas donc être un serviteur reconnaissant envers Allah? Donc ça c'est ce qui vient justement confirmer ce que tu dis, ce que le cheikh il explique. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. Donc il dit, les miracles des awliyas d'Allah, c'est encore plus grand que ces exemples-là qu'on a mentionnés. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, Allah يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة التي لا تخطر ببال لكنهم لا يغترون بها ولا يتكبرون بها ويدعون الناس إلى تعظيمهم بل يتواضعون ولي الله ما تزيده الكرامات إلا تواضعا لله وأيضا يحرص على إخفائها وأن لا يراها الناس لأنه يخاف الله عز وجل. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique, hafizahullah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet aux awliya de faire certains prodiges immenses. Et il dit, et c'est des choses qui ne peuvent même pas parfois être imaginées. Et donc, ces awliya, quand ils font des prodiges, ils ne se laissent pas tromper par ça. Ils ne se laissent pas devenir orgueilleux à cause de ce genre de prodiges. Et ils n'appellent pas non plus les gens à les vénérer ou à les exalter pour dire, regardez-moi, j'ai des karamates, respectez-moi, vénérez-moi. Non, au contraire, ils sont humbles et modestes. Et il dit que les awliya d'Allah, leurs karamat ne font que les augmenter en modestie envers Allah. Et ils font beaucoup d'efforts pour essayer de justement cacher leurs karamat. يحرص على إخفائها. Il veut pas que les gens voient ces karamat. Il veut pas que les gens sachent qu'il a des karamat même. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il craint Allah. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. Donc le cheikh il explique, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit donc que les actes surnaturels que des gens peuvent faire, il dit même si elles peuvent, ou même s'il est possible que ces gens qui les font soient des awliya d'Allah, mais c'est aussi possible que ce soit des ennemis d'Allah, parce que ces actes surnaturels peuvent se produire même de la part de certains des kuffars et des mushrikines et des juifs et des chrétiens et des munafiqines, des hypocrites et des gens de bid'ah aussi, et ça vient des shayatines. Après Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit Al-Karamat wahdaha la tadullu li'anna sahibaha imma an yakuna waliya lillahi إن كان مستقيما على طاعته أو كان عدوا لله إن كان عاصيا لله مخالفا لأمره والآن الكفر والملاحدة عندهم أشياء غريبة لكنها من الشيطان وليست من الرحمن وكلها من الشياطين وليست من كرامات من وليست هي كرامات من الله سبحانه وتعالى الله سلط عليهم الشياطين ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فتظهر هذه الأشياء على أيديهم للغرور والعياذ بالله والتضليل وكل شيء فهو بقضاء الله وقدره لكنه لا يجري إلا لحكمة عظيمة min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les cheikh Al-Fawzan il explique que les prodiges à eux seuls ne peuvent pas indiquer que la personne est un wali ou non. Il dit parce que la personne, soit qu'elle est un wali d'Allah, et ça c'est à condition qu'elle soit sur la droiture et sur l'obéissance, ou bien qu'elle soit un ennemi d'Allah si elle est une personne qui est désobéissante et qui contredit son ordre. Et aujourd'hui, tu vois même parmi les kuffars et les athées, et aussi parmi les mushrikines et autres, qui font des choses surprenantes, étonnantes, hors de l'ordinaire. Mais ça vient du shaitan, ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que toutes ces choses-là que ces mushrikines et ces munafiqines et ces gens de bid'ah, tout ce qu'ils font, c'est des choses qui viennent des diables, ça ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il met le shaitan sur eux, il donne au shaitan le pouvoir sur eux. Et il cite le verset 83 dans Sourate Maryam. Et on va lire ensemble ce verset 83 dans Sourate Maryam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu que nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui les incitent furieusement à désobéir? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il envoie les shayatines contre ces gens-là, hein? Et c'est ça ce qu'on voit, yani. Et il dit ensuite donc que c'est les diables qui leur font paraître ces actes surnaturels, et ils utilisent ça pour égarer les gens. Et on sait que tout ce qui arrive c'est par le décret d'Allah et par la prédestination, mais il fait en sorte que ces choses-là se produisent pour une grande sagesse, hein, pour une grande sagesse que Allah connaît, hein, donc ça fait partie des plans d'Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ الذي فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. Donc, il dit le cheikh que donc il n'est pas permis à quiconque de penser que toute personne qui fait des choses surnaturelles, que automatiquement c'est un wali d'Allah. Il faut plutôt considérer comme étant un wali d'Allah, ou comme faisant partie des awliya d'Allah, une personne qui possède les caractéristiques et les actions et les états qui ont été indiqués par le Coran et la Sunna. Donc c'est de respecter les caractéristiques mentionnées à propos des gens qui font partie des awliya d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Cheikh Al-Fawzan dit: bal yu'tabar waliyun lillah bi'amalihi wa af'alihi wa mutaba'atihi lil kitab was sunnah wa yu'tabaru bihadhihi al-umur la bil khawariq faqat wa innama yu'tabaru bil iman wat taqwa. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما قال الذين تجري على أيديهم خوارق قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le cheikh il dit que on considère donc quelqu'un comme étant un wali d'Allah par ses actions et par ses paroles, hein. Et il dit, on considère par son suivi du messager et du Coran et de la Sunna. On considère quelqu'un par ces choses-là. Et le cheikh il dit, Aynam. Donc on les connaît par la lumière de la foi et par le Coran et par les réalités. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et par les réalités de la foi qui est cachée et les rites, les pratiques de l'islam apparentes. Et le cheikh Al-Fawzan il dit: Awliya Allah yu'rafuna bisimahum an-nuru ala wujuhihim wal-istiqamatu ala af'alihim wa aqwalihim at-tama'ninatu wal-unus bi-dhikrillah. هؤلاء هم أولياء الله أما أولياء الشيطان إذا ذكرت الله انقبضوا لأن الشياطين الذين معهم يحرقها ذكر الله عز وجل. يقول تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Donc le cheikh il dit que les awliya d'Allah, leurs signes, on les reconnaît par leurs signes. Ils ont une lumière dans le visage, ils sont droits dans leurs actions et dans leurs paroles. Ils ont une sérénité et une paix qu'ils ressentent par rapport au rappel qu'ils font d'Allah. Et donc ceux-là, ce sont les awliya d'Allah. Tandis que les gens qui sont les alliés du diable et du shaitan, lorsque Allah est mentionné, eh bien ils se referment sur eux-mêmes. Et il dit pourquoi? Parce que les shayatines, quand ils entendent le rappel d'Allah, ça les brûle. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verset 45 dans sourate Az-Zumar, dans lequel il dit: et lorsqu'on wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsque Allah est mentionné, lorsque Allah seul est mentionné, le cœur des gens qui ne croient pas en l'au-delà se remplit de dégoût. Zumar, verset 45. Mais lorsque Allah est mentionné, et lorsque ceux qui sont mentionnés en dehors d'Allah, lorsqu'on mentionne ceux qui sont en dehors d'Allah, parmi les idoles et autres, les voilà qui se réjouissent. Quand on mentionne Allah seul, leur cœur se remplit de dégoût. Mais lorsque les autres en dehors d'Allah sont mentionnés, là ils sont contents, ils se réjouissent. Donc on va s'arrêter maintenant pour le cours d'aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, demain. Bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.